Jean, en Asie, voyage de Jean, fils de Zébédée. Smith-Lewis 1904. Jean, de Bethsaïda, est le frère de Jacques le Majeur, tous deux fils de Zébédée, alla avec ses disciples, le jeune fidèle et ses deux frères, vers l'Asie et remonta le fleuve qui baigne Cédar, jusqu'au désert où il écrivit l'Évangile 3 ans avant sa mort. Ses disciples qui étaient un peu en deçà sur le chemin, lui apportaient à manger pendant qu'il écrivait sous un arbre. Une fois, alors qu'il pleuvait, l'endroit resta sec et étincelant de lumière. Il demeura longtemps au pays qui était situé au sud de celui que Jésus traversa pour visiter les rois mages, Égypte Nord. Il y prêcha l'Évangile, et convertit beaucoup de gens dans les villes voisines. Puis Jean revint à Éphèse, en Anatolie. La plupart des sujets des rois mages se sont établis dans l'île de Crète, peu après que Thomas leur eut donné le baptême. Les autres se dispersèrent dans différentes contrées. Cependant Thomas établit en Arabie plusieurs disciples, pris parmi les sujets des rois mages, mais par la suite les nouveaux chrétiens retournèrent à leur mère idolâtre. Ils écrivirent alors à l'apôtre Jean, qui leur envoya les deux frères de Fidèle, nommés Macaire et Caius. Mais ils sollicitèrent sa visite avec instance malgré son grand âge. Ils étaient demeurés au-delà du camp de Mansor. Jean avait déjà écrit l'histoire de notre Seigneur Jésus, et il avait fait entrer tout ce qu'il pouvait écrire de sa divinité sur terre. Pendant qu'il avait écrit son livre, il avait été presque continuellement dans le ciel, il ne pouvait rien changer. De là Jean alla à Jérusalem, puis à Rome, et ensuite à Éphèse, Anatolie. Jésus lui avait apparu et annoncé sa mort prochaine. Jean était fort âgé, il rompit et distribua le pain pendant 3 jours de suite. Il instruisit en plein air, en dehors de la ville, un certain nombre de disciples sur la charité, de prier ensemble, de s'aimer, et s'aider, les uns les autres, puis alla avec deux d'entre eux dans un bois derrière une colline peu élevée d'où on pouvait voir la mer. Il leur montra où ils devaient creuser, un des disciples lui dit : « Maître, nous voyons bien que vous voulez nous quitter. » Tous se pressèrent autour de lui, se jetant à ses pieds en pleurant. Quelque temps après il pria avec eux, et les bénit. Après avoir prié quelque temps debout près de son tombeau, bras étendus, il ôta son manteau, le mit dans la tombe, et s'y étendit. Il pria encore quelque temps, quand une grande lumière l'enveloppa de toutes parts, les disciples se jetèrent contre terre, s'unissant à lui dans la prière. Au moment où l'apôtre s'affaissa sur lui-même pour rendre le dernier soupir, au milieu de l'auréole qui l'enveloppait, une forme lumineuse, semblable à lui se débarrassa de son corps, comme une enveloppe grossière, et disparut avec l'auréole. En même temps les autres disciples arrivèrent et se jetèrent autour du tombeau. J'eus sous les yeux la montagne des prophètes, mon Abdias, et quelqu'un sous la tente. Fin de la vision d'Émorique. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur sur Élie et Hénoc, Jean le Baptiste et Jean l'Évangéliste. Céphas dit : Si votre lot est d'habiter dans cette ville, n'en partez pas. Ils tirèrent les lots de nouveau et le lot de Jean échut en Asie, c'est là qu'il devait annoncer. Cela lui parut très difficile. Il s'agenouilla en dévotion, ses larmes tombaient jusqu'à terre. Les disciples s'agenouillèrent avec lui. Céphas le prit à part et lui dit : Nous te regardons en tout temps, pour imiter ta patience comme un père, mais jusqu'à là jamais tu n'as agi au point de troubler nos cœurs. Céphas mon frère, j'ai péché à cette heure, et il va m'arriver de grandes afflictions sur mer. Prie pour moi que Dieu me pardonne. La compagnie des disciples se levèrent à 7 heures et demandèrent à Jacob, frère du Seigneur, de prier pour eux. Après l'avoir fait, ils se saluèrent chacun entre eux, et attribuèrent à chacun, un des 72 disciples. Mon lot fut de suivre Jean. Nous sommes partis de Jérusalem jusqu'à Jappé, et nous sommes restés 3 jours sur le rivage. Nous avons rencontré un bateau venant d'Égypte, qui venait porter sa cargaison à Jappé, puis il se dirigeait vers l'ouest. Durant le voyage dans le bateau, étant assis à une place, Jean se mit à pleurer et me dit « Procore mon fils, mon âme est tourmentée, car une grande épreuve dans cette mer va m'arriver et seul le Seigneur me révélera si c'est mort ou vie. Si je suis vivant après l'épreuve de la mer, j'irai m'amender dans la ville d'Éphèse en Asie et y resterai 2 mois. Après 2 mois, je viendrai vers toi pour faire notre service. Si je ne reviens pas vers toi, retourne à Jérusalem, vers Jacob le frère du Seigneur, et fais ce qu'il te dira. » Il m'a parlé ainsi à la 10e heure du jour, et alors des vents puissants commencèrent à troubler la mer, le bateau secoua grandement, sur le point de couler même. Nous étions dans ces conditions jusqu'à la 3e heure de la nuit, ensuite le bateau se brisa et chacun prit une de ses planches et s'y accrocha. Les vagues nous refoulèrent à Séleuce, à environ 15 stades du port de la rive d'Antioche. Quand nous sommes revenus à nos esprits, ceux qui avaient coulé avec le bateau se levèrent contre moi, car tous ceux qui étaient sur le bateau étaient présents sauf mon maître. Ils disaient que Jean était un sorcier, qui avait fait couler le bateau par un acte de sorcellerie et s'était enfui avec tout ce qu'il y avait. Alors ils me livrèrent au gouverneur de la ville pour me faire mourir. Le peuple de la ville était en colère contre moi et ils me jetèrent en prison. Le 3e jour, ils m'amenèrent sur une grande place où étaient assis les juges de la ville qui me dirent « D'où es-tu? De quelle religion? Quelle est ton habileté? Quel est le nom par lequel tu es appelé? Dis-nous la vérité sinon tu seras torturé. » « Je m'appelle Procore, je suis un Nazaréen de la terre de Juda. J'ai coulé dans la mer avec cette compagnie que voici, je suis présent tout comme eux, » répondit-il. Pour quelle raison tous ceux dans le bateau ont échappé sauf ton maître? Comme vraiment ces gens disent, vous êtes des sorciers qui avez ensorcelé le bateau sans que personne ne sache. Quant à toi, tu as coulé et ton maître a pris tout ce qui était dans le bateau, comme vous avez convenu. Vraiment vous faites le mal et il y a beaucoup de sang sur vos coups. Quant à ton maître, la mer l'a avalé, mais cela a révélé ton forfait. Après avoir échappé à la mer, à cette heure tu périras dans cette ville. » Ils me firent peur et parlaient contre moi, et je pleurais. Ils me dirent « Dis-nous qui est ton maître. Je vous ai dit que je suis un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Le lot de mon maître est d'aller dans les régions d'Asie. Quand nous avons embarqué dans le bateau, il nous a dit tout ce qui allait arriver avant que ça arrive. Il m'a aussi dit de me rendre dans la ville d'Éphèse et de l'attendre un nombre de jours, et lorsque les jours seraient écoulés, s'il ne revenait pas, de retourner dans mon pays. Mon maître n'est pas un sorcier et moi non plus, mais nous sommes des Nazaréens, connus pour leur loyauté. » Un messager nommé Séleucus, membre du conseil privé du roi, arriva d'Antioche pour apporter l'argent du tribut. Quand il entendit cela de moi, il demanda au juge de me laisser continuer ma route. Ce qu'ils firent. Je voyageai 40 jours jusqu'à atteindre la rive de la mer nommée Marmarvan d'une région vaste d'Asie mineure. Je m'assis et dormis un peu. Je vis alors s'approcher une grande vague de la mer qui projeta Jean d'elle-même. Je me levai pour m'approcher mais il s'était redressé avant moi et je reconnus que c'était Jean. Nous avons pleuré en remerciant Dieu de nous avoir réunis de nouveau. Il me dit être resté 40 jours et 40 nuits dans les eaux profondes de la mer. Nous sommes partis à l'autre bout de cette terre pour demander du pain, qu'on nous donna avec de l'eau. Puis nous avons pris la route en direction d'Éphèse. Près de l'entrée de la ville, dans un endroit nommé Artémis, se trouvait un bain public appartenant à un certain Dioscoride, juge en chef de la ville. Jean me dit « Que personne de cette ville ne sache qui nous sommes, mon fils, ni pour quelle raison nous sommes ici, jusqu'à ce que Dieu nous autorise de le révéler, alors nous trouverons le moyen pour annoncer le royaume. » Ceci dit, la responsable du bain public vint vers nous, une femme d'une force terrible, vigoureuse comme une mule, mais qui abusait de sa force pour malmener les ouvriers qui travaillaient au bain, ne les laissant pas se reposer même une heure. Quand elle nous vit assis dans nos vêtements usés, voyant que nous étions étrangers, elle nous offrit de nous prendre comme serviteurs pour le bain public. « D'où es-tu ? » dit-elle à Jean. « Je suis d'un pays lointain. »« De quel pays es-tu ? Quelle est ta religion ? » ?»« Je suis un Nazaréen. » »« Lui, c'est mon frère. » »« Veux-tu être réchauffeur de bain ? Je te paierai ton salaire et le foin. » J'ai aussi besoin de quelqu'un d'autre comme homme de bain. » Elle nous emmena dans le bain public et nous donnait 3 livres de pain chaque jour. Le 4e jour, Jean ne trouva pas de combustible, elle le saisit et le jeta par terre, et lui flanqua un terrible coup sans hésiter, et dit : « Méchant servant fugitif, tu ne mérites pas de vivre. Si tu savais que tu n'étais pas fait pour ce travail, pourquoi le fais-tu ? Tu manges et bois bravement mais tu ne fais rien au travail. Va bien servir Donna. » Je fus extrêmement peiné et Jean me dit : « Pour quelle raison es-tu confus mon enfant ? Ne sais-tu pas que nous avons coulé tous deux dans la mer ? Je suis resté 40 jours dans les profondeurs de la mer, et j'ai été sauvé par la miséricorde de Dieu. Tu es peiné à cause de la gifle d'une femme ignorante dont la colère est une bagatelle ? Acquitte-toi du travail qui t'a été confié et travaille avec gaieté de cœur. » Notre Seigneur Jésus-Christ fut battu, on lui a craché sur sa face et on l'a crucifié. Et nous sommes ceux qui avons été rachetés par son sang, bien qu'il soit comme nous mais sans péché. Il nous a dit d'avance ce qui nous arriverait. Soyons patients et nous posséderons nos âmes. La foule l'avait écouté parler. Je partis faire le travail, comme Donna demandait. Le lendemain, elle dit à Jean : « Si tu as besoin de vêtements, je t'en donnerai, néanmoins fais bien ton travail. Ce que tu me donnes me suffit, quant au travail je le fais bien. Pourquoi la foule te reproche de ne pas bien faire ton travail ? Ce métier où je suis entré est un premier travail, aussi je n'ai pas beaucoup de connaissances. Quand j'aurai fait un peu de progrès, tu trouveras que je suis un bon artisan, car le début est toujours difficile. » Quand elle retourna à son travail, Satan, le haineux de tout bien depuis le commencement, prit l'apparence de Donna et apparut à Jean en disant : « Pourquoi ne fais-tu pas bien le travail, faible insensé ? Tu as gâché le travail, je vais te tuer. Sors d'ici. Je ne veux pas que tu me serves en quoi que ce soit, va-t'en. » Il mit la main sur la barre de fer, celle avec laquelle elle frappait avec colère, pour imposer sur les autres, mais Jean sut par l'esprit que c'était Satan. Il invoqua le nom de Jésus-Christ et Satan s'enfuit aussitôt hors de sa présence. Le lendemain, Donna dit à Jean : « Quelqu'un m'a beaucoup parlé de toi, que tu ne vaux pas ce travail, etc. » À tout ce qu'elle disait, il ne retournait pas de réponse. Lorsqu'elle vit sa patience et sa faiblesse, elle pensa qu'il fut un simplet et se mit à lui parler avec agressivité et lui jeta de la poussière au visage. « Tu es mon esclave, peux-tu le reconnaître, dis-moi ? » dit-elle. « Nous sommes tes esclaves, je suis le réchauffeur et procure l'homme de bain. » Donna alla trouver un ami parmi les officiers du juge et lui dit : « J'ai 2 esclaves que mon père m'a légués. Il y a longtemps ils se sont enfuis et ils viennent de me revenir et reconnaissent mon droit sur leur service. Je voudrais que tu m'écrives un acte de leur servitude envers moi. C'est justice s'ils reconnaissent qu'ils sont tes esclaves, lui dit-il. Prends 3 témoins qui vont certifier pour eux, et écrit un acte de servitude par confession. » Jean sut par l'esprit tout ce qu'elle méditait sur lui et dit : « Mon fils Procor, cette femme veut faire reconnaître que nous sommes ses esclaves. Ne laisse pas ton cœur s'attrister pour ça, mon fils, mais réjouis-toi grandement et acceptons ce qu'elle souhaite. À partir d'un geste comme celui-ci, notre Seigneur Jésus peut faire savoir qui nous sommes. » Avant que Jean ait fini ses exhortations, Donna approcha avec grande arrogance, saisit Jean, et lui dit : « Toi mauvais esclave, quand ta maîtresse arrive, Pourquoi ne te hâtes-tu pas à sa rencontre lui faire obéissance jusqu'à terre, dis-moi? N'es-tu pas mon serviteur, esclave fugitif? Dit-elle en le frappant. Ne t'ai-je pas dit que nous sommes tes esclaves, moi le réchauffeur et Procore l'homme de bain? Dis-moi de qui vous êtes les esclaves? C'est la troisième fois que je reconnais que nous sommes tous deux tes esclaves. Alors elle nous emmena dans le temple de la ville devant trois témoins et elle écrit un acte de servitude sur nous. Dans le bain public se trouvait un pouvoir satanique depuis qu'il fut construit. Avant que les ouvriers mettent les fondations, ils avaient creusé un trou dans le sol et y mirent une fille vivante avant de poser la pierre de fondation. Pour cette raison, le pouvoir satanique habitait en ça, et chaque année dans ce bain public Satan étranglait trois âmes. Dioscoride, le maître du bain public, connaissait les jours que ça arrivait. Il avait un beau garçon âgé de 18 ans nommé Damé et son père l'empêchait d'entrer dans le bain public ces jours-là. Nous étions depuis trois mois dans ce bain public, quand le fils de Dioscoride vint seul se baigner au bain public. J'y allais aussi puisque j'étais affecté au service, mais il me devança et le démon le saisit et l'étrangla jusqu'à le tuer. Ses esclaves se mirent à crier. Malheur à nous, notre maître est mort. Entendant cela, Donna déchira ses vêtements et tordit les cheveux de sa tête, disant. Malheur à cette mauvaise femme. Je ne pourrais voir Dioscoride en face et lui dire la mort de son fils. Que ferais-je, car lui aussi mourra de privation, quand il entendra que son fils bien-aimé est mort? Elle partit chercher du réconfort auprès de l'idole qui était dans le temple. Aide-moi Artemis, ramène Damien en vie à mon maître, et que tout le peuple d'Éphèse sache que tu diriges le monde, dit-elle sans cesser de tirer ses cheveux, pleurant excessivement. Une grande foule s'assembla, certains pleurant la mort du garçon, d'autres dans l'étonnement de voir Donna se lamenter. Jean sortit de la réserve des combustibles et dit. Mon fils Procore, pour quelle raison cette femme crie dans cette ville? C'est à cause de ta sorcellerie que mon idole s'est éloignée de moi et ne veut pas m'entendre. Lui dit-elle quand elle le vit. Mauvais esclave venu me regarder avec joie depuis que mon maître est tombé. Jean partit aussitôt dans le bain public. Il se tint près de la tête de l'enfant mort, se demandant ce qui lui était arrivé. Il réprimanda alors l'esprit du mal et le chassa hors du corps et marqua son visage de la croix. Il lui prit ses mains et le releva, et le conduit vivant hors du bain public en présence de la foule. Prends ton maître, il va bien, il est guéri et n'a plus aucun mal, dit-il à Donna. Voici il est vivant par le pouvoir de mon maître Jésus-Christ. Quand Donna vit ce qui était arrivé, elle fut déconcertée dans la confusion de son esprit. Tous étaient frappés de stupeur, elle et tous les gens du pays présent avaient vu comment le miracle s'était produit. Honteuse, Donna ne pouvait pas lever la tête pour regarder Jean en face, elle était très attristée, soupirant pour mourir plutôt que vivre. Malheur à moi, dit-elle. Que ferais-je à l'homme à qui j'ai fait toutes ces mauvaises choses à le secouer, à le frapper, et quel mensonge n'ai-je pas dit de lui? Il n'est pas mon esclave. J'en vis sur son visage, la honte, le chagrin, et le regret qui étaient sur elle. Il lui prit la main et fit le signe de la Sainte Croix sur son visage au nom de Jésus-Christ, et tous ses sens s'apaisèrent d'un coup. Elle se jeta à terre devant Jean et dit. Je te demande de me pardonner et me dire qui tu es. Peut-être es-tu Dieu, ou le Fils de Dieu, pour être capable de faire ce que tu as fait? Je ne suis pas Dieu, ni le Fils de Dieu, mais un disciple du Fils de Dieu. Si tu crois en lui, tu deviendras un avec son peuple. Bon servant de Dieu, pardonne-moi tout ce que je t'ai fait de mal par insulte et par fausseté, répondit-elle. Crois en Jésus-Christ et tout te sera pardonné. Bon servant de Dieu, je crois en tout ce que j'entends de toi. Un des serviteurs de Dioscoride était allé lui dire la mort de son fils et que Jean l'avait ramené en vie devant la foule. Et Dioscoride était tombé par terre, comme mort, dès qu'il entendit que son fils était mort. Ce serviteur revint au bain public, pendant que Jean et Damien instruisaient Donna, et elle se mit à crier. « Malheur à moi, maître Dami, ton père Dioscor et mon maître est mort. » Quand Dami entendit que son père était mort, il partit où était son père et le trouva par terre comme mort. Il revint vers Jean et lui dit « Servant du bon Dieu, toi qui m'as rendu la vie après la mort, je te supplie d'avoir compassion de lui aussi. N'aie crainte, ton père n'est pas mort mais vivant. » Jean alla avec lui à l'endroit où il était allongé, avec Donna et une grande foule qui suivait. Il s'approcha de lui, prit sa main, et dit « Dioscoride, au nom de Jésus-Christ, relève-toi sur tes pieds. » Aussitôt il se leva. Ils s'émerveillèrent tous de la merveille des miracles que Jean avait fait. Certains de la foule dirent qu'il était sorcier, mais d'autres répondirent qu'un sorcier ne ramène pas un mort à la vie. Dioscoride se jeta aux pieds de l'apôtre et lui dit « Es-tu le Fils de Dieu qui nous a ramenés à la vie, moi et mon fils ? Je suis servant et disciple de Dieu. Ton fils et toi n'auraient pas pu revenir en vie sauf par le pouvoir de Jésus-Christ le Fils de Dieu. » Dioscoride lui fit soumission, convertit, et dit « Ordonne-moi ce que je dois faire pour que je vive. Crois en Jésus-Christ et sois baptisé dans le nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, et tu recevras la vie éternelle, » lui dit Jean. « Voici, je suis dans tes mains et toute ma maison. Ordonne ce que tu veux, » lui dit Dioscoride. Dioscoride prit Jean dans sa maison et lui montra tous ses biens et lui dit « Accepte tout ceci, et que moi et ma maison appartiennent à Christ. Apporte tous ceux qui sont dans ta maison auprès de moi, car je vais vous annoncer la nouvelle du royaume et vous enseigner les préceptes de la religion de Moïse avant de vous baptiser afin que vous receviez les prémices de vie. » Donna vint aussi, dans la main l'acte qu'elle avait écrit qui faisait de Jean son esclave. Elle se jeta à ses pieds et dit « Je te prie, bon servant de Dieu, donne-moi aussi les prémices de la religion de Christ, et d'accepter de moi cet écrit de mon péché. » Jean prit l'acte de sa main et le déchira en morceaux. Il les baptisa tous au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Jean partit au bain public et expulsa l'esprit impur qui étranglait les personnes. Nous sommes entrés dans la maison de Dioscoride et les nombreuses personnes autour de nous se dispersèrent. Il avait préparé une table pour nous et nous sommes restés là jusqu'au matin. Le peuple de la ville fêtait en grande joie leur idole appelée Artémis. Tout le peuple d'Éphèse était présent et habillé de leurs plus beaux habits de fête. Jean se présenta habillé comme à son travail au bain public et fit dos à l'idole. Le voyant ainsi, les païens lancèrent sur lui des pierres, mais elles vinrent plutôt frapper l'idole, qui se brisa en pièces. Peuple de la ville d'Éphèse, leur dit Jean le saint disciple, vous célébrez les esprits impurs en grande joie et négligez celui qui a fait tous les êtres. Ils furent en colère contre Jean. Voici, votre idole s'est brisée en morceaux sous le poids des pierres jetées sur moi. Si vous désirez voir la puissance de Dieu afin de comprendre et vous éveiller, hâtez-vous de le recevoir quand vous le verrez. Jean s'avança pour prier et supplier en disant « Mon Seigneur Jésus-Christ, que la crainte soit dans les cœurs de ces gens pour qu'ils sachent qu'il n'y a pas d'autre que Dieu. » Ils entendirent soudainement une voix appelant du sol. Et dès que la voix s'arrêta, 200 hommes tombèrent comme morts. Le reste vint se soumettre à Jean, disant « Nous te supplions de relever ces hommes morts. Nous croirons en ton Dieu et nous serons droits. » Au peuple d'Éphèse, hommes durs de cœur, je sais que si ces hommes se relèvent, vous ne croirez pas encore au Dieu vivant, à cause de la dureté de vos cœurs, qui est comme celui de Pharaon. Jean leva son regard au ciel et dit « Ô toi qui habites en toutes circonstances dans le Père, mon Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, fasse que ces morts se relèvent par ton autorité et croient en ton nom. » Il y eut aussitôt un grand fracas dans la terre et un tremblement, Ces 200 hommes se relevèrent et se jetèrent au sol, face contre terre, faisant obéissance à Jean, disant « Que nous ordonnes-tu, homme bon ?» Il les baptisa au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, et leur enseigna les lois de religion de Moïse. Alors que nous étions assis depuis plusieurs jours dans la grande place de la ville où la multitude s'assemblait, une femme vint et fit soumission à Jean, disant « Ô bon servant de Dieu, le seul fils que j'ai s'est fait prendre par un esprit impur. Voilà 8 jours qu'il est, dans la maison allongé, tourmenté d'une grande douleur à cause de ce démon. Je te prie et te conjure d'avoir pitié de mon fils et le guérir. Moi et son père, nous croirons en ton Dieu. » Jean s'avança avec Dioscoride pour aller dans la maison de cette femme. Il regarda son fils alité sur la couche sans pouvoir parler. Sa mère fit dévotion aux pieds de Saint Jean et lui dit « Je te supplie par le Dieu vivant que tu sers, aie pitié de mon fils. » Jean prit sa main droite et lui dit « Au nom de Jésus-Christ, le Saint, garçon, lève-toi. » Aussitôt le garçon se leva en bonne santé et rendit grâce à Dieu. Jean les baptisa et les enseigna. Les Juifs se vinrent après Jean, comme des renifleurs de sang dans l'intention de nuire, mais Dioscoride le sauva de leurs mains. Nous sommes allés à un endroit de la ville appelé la Grande Rue, où était couché un homme incapable de se mettre sur ses pieds depuis 12 ans. Il cria d'une voix forte. « Aie pitié de moi, disciple du Seigneur Jésus-Christ. » Jean vit la foi de cet homme et lui dit « Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. » L'homme se leva aussitôt dans l'instant et rendit gloire à Dieu. Quand le démon vit Jean faire un signe comme celui, il prit la forme d'un conseiller privé du roi qui écrivait ses papiers et s'assit à un endroit précis, pleurant au même moment que passaient 2 hommes de la suite du roi. Le voyant ainsi, ils lui demandèrent « Ami, que fais-tu à pleurer ?» Il leur montra les écrits par lesquels il les tromperait, car il n'y avait aucun écrit que des fabrications démoniaques. « Qu'est-ce ? Qu'y a-t-il ? Quelle est la raison de ces correspondances ? Qui t'a bousculé ? » dirent-ils. « Je ne peux vivre plus longtemps à cause de grandes difficultés. Si vous êtes capable de me servir, je vous dirai ma situation, gémit-il en pleurant plus encore. « Nous sommes capables, » répondirent-ils. « Jurez par la grande idole que vous vous dévouerez pour ma cause, mort ou vif, et je vous dirai ma situation, » dit-il. Ils lui jurèrent qu'il serait pour lui en toutes circonstances. Il fit faussement apparaître plusieurs bourses pleines de dinars et mit sur la première feuille les écrits fictifs devant eux. « Je vous donne cette propriété en rétribution de votre travail pour ma cause, » leur dit-il. « Explique-nous ton désir et nous te satisferons, » dirent-ils. « Je viens de Césarée, une ville du pays de Palestine, où je travaille comme chambellan dans un palais. On m'avait confié 2 magiciens de Jérusalem, l'un nommé Jean et l'autre Procor Procorus, que je pris soin de mettre en prison. Le 4e jour, les gouverneurs de la ville voulurent les questionner et confirmer leurs mauvaises actions comme preuve contre eux, aussi je leur amenais. Ils me demandèrent de les remettre en prison jusqu'à ce qu'on décide quelle mort leur serait réservée. Et alors que je les ramenais, ils m'ont échappé et se sont enfuis. Quand je rapportais la situation, le gouverneur me dit « Recherche-les et ne reviens pas avant de les avoir trouvés, sinon tu mourras de la pire des morts. » « Console-toi, ami, » lui dirent les amis du roi. « Est-ce que ces magiciens sont dans ce pays ?»« Oui, » dit-il, « je crains qu'ils s'enfuient d'ici par leur sorcellerie. Si vous les saisissez, je vous supplie de les mettre dans un endroit caché que personne ne connaît et de les tuer secrètement, alors nous garderons cet argent. » « Si nous les attrapons, nous les amènerons avec toi dans ton pays, » lui dirent-ils. « Tuez-les. Je ne m'attriste pas de ne retourner dans mon pays, ni de rejoindre mon peuple. » Ils prirent l'argent et lui firent serment de les tuer secrètement. Saint Jean connut par l'esprit ce que Satan voulait faire. propre corps, mon fils, me dit-il, sois fort et endurant dans ton âme, en ce qui est notre devoir. Le démon qui habite dans le temple de l'idole a soulevé une grande persécution sur nous. Il a suscité deux hommes des officiers de l'armée, après leur avoir dit des choses haineuses contre nous. Mon Dieu en Jésus-Christ m'a révélé le mal qu'ils ont dit. Que ton cœur soit fort et sans crainte. Jean me parlait ainsi, quand voici, deux hommes vinrent se saisir de nous. Dioscoride n'étant pas là à ce moment. Pourquoi nous prendre? Quel est notre crime? Leur dit Jean. Pour sorcellerie. Répondirent-ils. Qui est le témoin qui se porte contre nous? Leur dit Jean. Nous savons. Lui dirent-ils. Nous vous mettons en prison jusqu'à ce que votre accusateur vienne. Vous ne pouvez m'accuser sans la présence des experts du cas, dit juge. Ils frappèrent Jean et nous prirent pour nous mettre en prison. Ils nous amenèrent dans un lieu éloigné, désert, abandonné, et où personne n'habite, pour nous tuer suivant ce qu'ils avaient convenu avec le démon. Donna s'était empressé vers Dioscoride pour lui dire ce qui nous était arrivé. Quand il entendit cette chose aussi grave, il se leva promptement et nous chercha jusqu'à ce qu'il nous trouve. Il nous sauva de leurs mains. De quel droit écrivez-vous une accusation contre deux innocents sans la présence de l'accusateur? Leur dit-il durement. Vous les avez pris pour les emmener dans un endroit désert, où le gouverneur n'a pas siège, pour les tuer secrètement. Voici, ces deux hommes seront sous ma protection jusqu'à ce que leur accusateur se présente et qu'ils soient jugés comme la loi exige. Il sera bien que leur accusateur vienne et juge en ce qui les concerne comme la loi l'exige, se dirent entre eux les deux hommes. Cela prévaudra sur certains d'entre eux et les forcera à faire ce qui est droit. Ils nous quittèrent et allèrent à l'endroit où le démon s'était trouvé mais ne le trouvèrent pas. Ils allèrent aux alentours de la ville, mais ne le trouvèrent pas. N'ayant aucune nouvelle de lui, ils craignirent de retourner vers Dioscoride, qui était le principal de la ville. Ils s'assirent en terrible embarras et le démon leur apparut dans cette forme et leur dit. Pourquoi êtes-vous au désespoir, mes bien-aimés? Ils lui racontèrent ce qui se passait, comment Dioscoride les avait repris de leurs mains. Mais si tu viens avec nous, nous aurons pouvoir sur chacun d'entre eux. Il partit avec eux en se lamentant avec tristesse. Une grande foule s'assembla et il leur raconta l'histoire qu'il avait déjà racontée aux deux hommes, et les gens devinrent en colère contre Jean, des Juifs pour la majorité d'entre eux, et vinrent jusqu'à la maison de Dioscoride, disant « Tu es un des principaux de cette ville, il n'est pas convenable que tu entretiennes des magiciens dans ta maison. Que tu nous les livres ou non, nous brûlerons ta maison et payerons tes biens avant de te tuer, toi et tes enfants. » Nous les prendrons contre ton consentement. Les nouvelles se propagèrent dans la ville et le peuple rejoignit la foule venue chercher Jean et son disciple à la maison de Dioscoride. Quand Jean vit l'immense foule et la multitude qui s'était présentée, il dit à Dioscoride. Ce que tu vas dire n'a aucune importance pour nous quant à ce que tu vas négocier tes biens. Quant à nous, nous n'épargnerons pas nos corps, car nous avons appris à porter notre croix pour le suivre. Voici, dit Dioscoride à Jean, ma maison sera brûlée, mes biens pillés et nous serons tués, mon enfant et moi, pour votre cause. Ni toi, ni tes biens, ni ton enfant, ni un cheveu de vos têtes ne tombera. Livre-nous à ces hommes qui sont dans ta maison et vois la puissance de Dieu. Dioscoride leur livra et nous sommes partis dans le temple de l'idole. Arrivé à une courte distance du temple, Jean dit aux hommes qui le tenaient. Peuple d'Éphèse, quel est ce temple? C'est le temple de l'idole, lui dirent-ils. Tenons-nous ici un instant, dit-il. Ils s'arrêtèrent ainsi. Et Jean dit, levant son regard au ciel. Ô mon Seigneur Jésus-Christ, que par ta puissance ce temple tombe et qu'aucun homme de la foule ne meure. Le temple tomba aussitôt. Et Jean dit au démon qui habitait dans le temple. Je m'adresse à toi, esprit impur. Qui est-il et quel est ton désir ? Répondit-il. Depuis combien de temps habites-tu ce temple ? Dit Jean. 45 ans, lui dit le démon. Qui est celui qui a monté les amis du roi contre moi ? Dit Jean. Celui-là même, lui dit le démon. Je t'ordonne au nom de mon Seigneur Jésus-Christ le Nazaréen, sors de cette ville et n'y retourne jamais plus. Le démon sortit aussitôt. La foule disait les uns aux autres. Avez-vous déjà vu quelque chose comme ça? Venons et prenons-les ensemble, amenons-les devant le gouverneur de la ville, qu'il les punisse suivant la loi. Ces sorciers sont connus pour leur sorcellerie, il vaudrait mieux pour nous qu'ils soient morts, sans consulter personne, dit un juif nommé Marwan. Tu as bien parlé, lui dirent-ils. Mais la multitude ne répondit pas à ce qu'ils disaient. Ils allèrent vers les gouverneurs de la ville, pour qu'une décision soit prise. Ils nous livrèrent à eux et les gouverneurs dirent. Qu'ont-ils fait de sorcellerie ? Un des amis du roi de leur ville, qui les cherchait nous a parlé de leur sorcellerie, leur dit Marwan. Que l'homme que tu mentionnes se présente devant nous pour nous parler s'il est crédible, dirent-ils à Marwan. Et que ces hommes soient mis en prison jusqu'à ce que leur accusateur se présente. Nous avons été mis en prison attachés de chaînes. La multitude allait dans tous les quartiers à la recherche de l'ami du roi, mais ne le trouvèrent pas. Même après que le crieur ait crié dans toute la ville et ses alentours durant 3 jours sans trouver. Il n'est pas juste que nous gardions ces étrangers en prison, puisqu'aucun témoin digne de foi ne s'est présenté, ni d'accusateur pour les accuser, dirent les gouverneurs. Les gouverneurs nous relâchèrent, nous demandant de ne pas rester dans la ville, ni d'enseigner quoi que ce soit. Un garde nous a accompagnés jusqu'en dehors de la ville, nous renvoyant hors de sa frontière. Nous sommes arrivés à l'endroit où Jean avait ressurgi de la mer, et nous y sommes restés 3 jours. Le Seigneur Jésus-Christ appela Jean dans une vision et il répondit. Me voici, Seigneur. Lève-toi et traverse la ville d'Éphèse. Après 3 jours tu voyageras jusqu'à une île qui a besoin de toi. De nombreuses épreuves t'arriveront et tu resteras là un temps long, lui dit le Seigneur. Nous sommes vite repartis, et de retour à Éphèse les temples qui s'y trouvaient étaient ruinés et il ne restait rien en dedans. Toutes ces choses que Jean fit à Éphèse avant qu'il soit expulsé à cause des Juifs et des païens que Satan avait montés contre lui, toutes les merveilles démontrées par lui, l'expulsion, la persécution qui survint sur l'île de Patmos, sont écrits en plusieurs livres. Après que Jean ait rendu inutile pour ces gens cet impur temple et ayant fait les signes des merveilles au nom du Seigneur Jésus-Christ, le roi fit nettoyer les souillures des idolâtres dans toutes les provinces, les libérant ainsi de la mort éternelle, et instaura la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Il fonda beaucoup d'églises dans cette ville et dans toute la région au nom de Jésus-Christ et y plaça des hommes pour le service. La droiture et la foi s'accrurent parmi eux avec la connaissance de Jésus-Christ après que les disciples eurent terminé tout leur travail en partant de ce monde. Céphas fut crucifié dans la ville de Rome, Paul frappé à son cou, le corps de Marc traîné dans les rues d'Alexandrie où il survécut 2 jours avant de mourir. Et tous les disciples moururent chacun dans la région où il annonçait. Ils moururent dans les épreuves, les labeurs, et de différentes tortures. Quant à Jean, il vécut plusieurs années durant le règne de Domitien.